Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 8, colonne 2. Notre marché. Désormais, chaque semaine, nous donnerons une attention toute particulière aux transactions commerciales, particulièrement à toutes les denrées qui enrichissent le marché de la métropole des cantons de l'Est. Pour commencer, nous dirons que depuis que les foins sont engrangés, le marché de Sherbrooke est abondant et bien fourni, ce qui n'empêche pas que tout se vende au poids de l'argent. Les pommes de terre, samedi dernier, se vendaient 40 centimes le minot. Les œufs ne se donnaient pas à moins de 10 et 20 centimes la douzaine. Le beurre tenait ferme à 20 cents la livre. Les pommes étaient en grande quantité et variaient leur prix selon la qualité. Les pommes de terre ne tarderont certainement pas à augmenter car elles pourrissent toutes, principalement celles appelées « early rose ». Le foin de première qualité se vend à 8 $ la tonne, et de 6 à 7 $ de qualité inférieure. Le lard est en baisse et les farines haussent sensiblement. Nous donnerons une cote exacte des prix de ces derniers dans un prochain numéro. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.